Le château intérieur, ou les demeures, écrit par Sainte Thérèse d'Avila en 1577. J.H.S. Préface. L'obéissance m'a ordonné peu de choses, qui m'est semblé plus difficile que celle d'écrire maintenant sur l'oraison, en premier lieu, parce qu'il ne me semble pas que le Seigneur m'ait donné l'inspiration, ni le désir de le faire, et puis, depuis 3 mois, ma tête est si faible et si pleine de bruit que j'ai peine à écrire, même pour les affaires indispensables. Mais, sachant que la force de l'obéissance peut aplanir des choses qui semblent impossibles, ma volonté s'y décide de bien bon gré, malgré que la nature semble beaucoup s'en affliger, car le Seigneur ne m'a pas doué d'assez de vertu pour lutter contre des maladies continuelles, et des occupations multiples. Plaise à celui qui a accompli des choses plus difficiles en ma faveur de faire le nécessaire, je me fie à sa miséricorde. Je crois que je ne saurais guère dire plus que je ne l'ai déjà fait en d'autres choses qu'on m'a commandé d'écrire, je crains plutôt de toujours me répéter, car je suis, à la lettre, comme les oiseaux à qui on apprend à parler, ils ne savent que ce qu'on leur enseigne ou ce qu'ils entendent, et le répètent souvent. Si le Seigneur veut que je dise du nouveau, Sa Majesté me le donnera, ou elle me rappellera ce que j'ai déjà dit, je m'en contenterai, car j'ai si mauvaise mémoire que je me réjouirais, au cas où elle se serait perdue, de retrouver certaines choses qu'on estimait bonnes. Si le Seigneur ne me donnait même pas cela, je tirerais bénéfice du seul fait de me fatiguer, et d'aggraver mon mal de tête par obéissance, même si ce que je dis n'est utile à personne. Je commence donc à tenir ma promesse aujourd'hui, fête de la Très Sainte Trinité, en l'an 1577, 2 juin, en ce monastère de Saint-Joseph du Carmel de Tolède où je suis présentement, m'en rapportant pour tout ce que je dirai au jugement de ceux qui m'ont commandé d'écrire, personne fort docte. Si quoi que ce soit n'était pas conforme à ce qu'enseigne la Sainte Église catholique romaine, ce sera, de ma part, ignorance, et non malignité. Cela, on peut le tenir pour certain, car je lui suis fidèle et le serai toujours, comme je l'ai toujours été, avec la grâce de Dieu. Qu'il soit béni à jamais, amen, et glorifié. Celui qui m'a commandé d'écrire m'a dit, que les religieuses de ces monastères de Notre-Dame du Carmel, ont besoin qu'on leur explique quelques points indécis de raison, il lui semble qu'elles comprendront mieux le langage d'une autre femme, et que l'amour qu'elles me portent les rendra plus sensibles à ce que je leur dirai. Pour cette raison, il y attribue une certaine importance, si je parviens à dire quelque chose, je m'adresserai donc à elles en écrivant, et puis, il semble insensé de songer, que cela puisse convenir à d'autres personnes, notre Seigneur me fera déjà une grande grâce, si cet écrit aide quelques-unes d'entre elles à le louer un petit peu plus. Sa Majesté sait bien que je ne prétends à rien d'autre. Et il est clair que lorsque je réussirai à dire quelque chose, elles comprendront que cela ne vient pas de moi, rien ne peut le leur faire croire, sauf si elles manquaient d'intelligence, autant que je manque d'aptitude pour des choses semblables, lorsque la miséricorde du Seigneur ne m'en donne point. Markendanvordpress.com. D'après livremystique.com. Licence Creative Commons, partage à l'identique. Usage non commercial. Première demeure. Chapitre 1er. De la beauté et de la dignité de nos âmes, une comparaison nous aide à le comprendre. Des avantages qu'il y a à reconnaître les faveurs que nous recevons de Dieu. De l'oraison, la porte de ce château. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera, dès le début, la base de cet écrit, considérer notre âme comme un château, fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Car à bien y songer, mes sœurs, l'âme du juste n'a rien d'autre qu'un paradis où il dit trouver ses délices. Donc, Comment vous représentez-vous la chambre où un roi si puissant, si sage, si pur, si empli de tous les biens, se délecte? Je ne vois rien qu'on puisse comparer à la grande beauté d'une âme et à sa vaste capacité. Vraiment, c'est à peine si notre intelligence, si aiguë soit-elle, peut arriver à le comprendre, de même qu'elle ne peut arriver à considérer Dieu, puisqu'il dit lui-même qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Or, s'il en est ainsi, et c'est un fait, nous n'avons aucune raison de nous fatiguer à chercher à comprendre la beauté de ce château. Il y a entre lui et Dieu la même différence qu'entre le Créateur et la créature, puisqu'il est sa créature. Il suffit donc que sa majesté dise que l'âme est faite à son image, pour qu'il nous soit difficile de concevoir sa grande dignité et sa beauté. Il est bien regrettable et confondant que, par notre faute, nous ne nous comprenions pas nous-mêmes, et ne sachions pas qui nous sommes. Celui à qui on demanderait, mes filles, qui il est, et qui ne se connaîtrait point, qui ne saurait pas qui fut son père, ni ses mères, ni son pays, ne prouverait-il pas une grande ignorance? Ce serait d'une grande bêtise, mais la nôtre est plus grande, sans comparaison, quand nous ne cherchons pas à savoir ce que nous sommes, nous bornons à notre corps, et, en gros, à savoir que nous avons une âme, parce que nous en avons entendu parler et que la foi nous le dit. Mais les biens que peut contenir cette âme, qui habite en cette âme, ou quel est son grand prix, nous-mêmes n'y songeons que rarement. C'est pourquoi on a si peu soin de lui conserver sa beauté. Nous faisons passer avant tout sa grossière certissure, ou l'enceinte de ce château, qui est notre corps. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, nombre de demeures, les unes en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés, et au centre, au milieu de toutes, se trouve la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Il faut que vous soyez attentive à cette comparaison. Peut-être, par ce moyen, Dieu consentira-t-il à vous faire comprendre quelques-unes des faveurs que Dieu veut bien accorder aux âmes, et, dans la mesure du possible, les différences qu'il y a entre elles, car personne ne peut les comprendre toutes, tant elles sont nombreuses, d'autant moins une misérable comme moi. Si le Seigneur vous les accorde, vous aurez le grand réconfort de savoir que cela est possible, sinon, vous mourrez sa grande bonté. Car si la considération des choses qui sont au ciel, et dont jouissent les bienheureux, ne nous fait aucun tort et nous réjouit plutôt, de même, lorsque nous cherchons à obtenir ce dont ils jouissent, il ne peut nous nuire de voir qu'un si grand Dieu peut se communiquer en cet exil à des vers de terre si malodorants, et d'aimer une bonté si bonne, une miséricorde si démesurée. Je tiens pour certain que celui qui souffrirait de savoir que Dieu peut nous faire cette faveur en cet exil, n'a guère d'humilité ni d'amour du prochain, car si ce n'était de cela, comment ne pas nous réjouir que Dieu accorde ses grâces à l'un de nos frères, sans que cela l'empêche de nous l'accorder à nous aussi, et de voir que sa majesté manifeste ses grandeurs en quiconque? Ce sera, parfois, dans le seul but de les manifester, comme le Seigneur l'a dit lui-même à propos de l'aveugle à qui il a rendu la vue, lorsque les apôtres lui ont demandé s'il était aveugle à cause de ses péchés ou par la faute de ses parents. Il arrive, ainsi, que celui à qui il fait ses faveurs ne soit pas plus saint que celui à qui il ne les fait point. Il veut seulement qu'on reconnaisse sa grandeur, comme nous le voyons dans saint Paul et la Madeleine, et pour que nous le louions en ses créatures. On pourra dire que ces choses semblent impossibles, et qu'il est bon de ne pas scandaliser les faibles. Leur incrédulité est une moindre perte, si ceux à qui Dieu les accorde ne manquent pas d'en profiter, ils s'en régaleront, un plus grand amour s'éveillera en eux pour celui qui montre tant de miséricorde, et dont le pouvoir et la majesté sont si grands. D'autant plus que je sais que celle à qui je parle ne court pas ce danger, elle savait croire que Dieu donne de bien plus grandes preuves d'amour. Je sais que ceux qui n'y croiraient point n'en auront pas l'expérience, car Dieu tient beaucoup à ce qu'on ne limite pas ses œuvres, Donc, mes sœurs, que ce ne soit jamais le cas de celles d'entre vous, que le Seigneur ne conduirait pas par cette voie. Donc, pour revenir à notre bel et délicieux château, nous devons voir comment nous pourrons y pénétrer. J'ai l'air de dire une sottise, puisque ce château est l'âme, il est clair qu'elle n'a pas à y pénétrer, puisqu'il est elle-même, tout comme il semblerait insensé de dire à quelqu'un d'entrer dans une pièce où il serait déjà. Mais vous devez comprendre qu'il y a bien des manières différentes d'y être, de nombreuses âmes sont sur le chemin de ronde du château, où se tiennent ceux qui le gardent, peu leur importe de pénétrer l'intérieur, elles ne savent pas ce qu'on trouve en un lieu si précieux, ni qui l'habite, ni les salles qu'il comporte. Vous avez sans doute déjà vu certains livres de raison conseiller à l'âme d'entrer en elle-même, or, c'est précisément ce dont il s'agit. Un homme fort docte me disait récemment, que les âmes qui ne font pas oraison, sont semblables à un corps paralysé ou perclus, qui bien qu'il ait des pieds et des mains, ne peut les commander, ainsi, il est des âmes si malades, si accoutumées à s'arrêter aux choses extérieures, que c'est sans remède, elles ne semblent pas pouvoir entrer en elles-mêmes, elles ont une telle habitude de n'avoir de rapport, qu'avec la vermine et les bêtes qui vivent autour du château qu'elles leur ressemblent déjà beaucoup, et bien qu'elles soient, par nature, très riches, capables de converser avec rien de moins que Dieu, c'est sans remède. Si ces âmes ne cherchent pas à connaître leur grande misère et à y porter remède, elles resteront transformées en statues de sel faute de tourner la tête vers elles-mêmes, comme il advint de la femme de Lot pour l'avoir tournée, Genèse. Car autant que je puis le comprendre, la porte d'entrée de ce château, est l'oraison et la considération, je ne dis pas mentale plutôt que vocale, car pour qu'il ait oraison, il doit y avoir considération. Celle qui ne considère pas à qui elle parle, et ce qu'elle demande, et qui est celle qui demande, et à qui, je n'appelle pas cela faire oraison, pour beaucoup qu'elle remue les lèvres. Il pourra pourtant y avoir oraison sans qu'on le recherche, mais dans ce cas on s'y sera exercé naguère. Quiconque aurait l'habitude de parler à la majesté de Dieu, comme il parierait à son esclave, qui ne se demande pas s'il s'exprime mal, mais dit ce qui lui vient aux lèvres, ou qui les prend pour le répéter, je ne tiens pas cela pour de l'oraison, et plaise à Dieu que nul chrétien ne la pratique de cette façon. J'espère de la bonté de sa majesté, mes sœurs, que ce n'est le cas d'aucune de vous, vous êtes habituées à vous occuper des choses intérieures, ce qui est fort utile pour éviter de tomber dans une telle bestialité. Nous ne nous adressons donc pas à ces âmes percluses, car si le Seigneur lui-même ne vient pas leur commander de se lever, comme à celui qui attendait à la piscine depuis 30 ans, Jean, elles sont bien mal en point, et en grand danger, mais aux autres âmes, à celles qui pénètrent enfin dans le château. Celles-là, fort mêlées au monde, ont de bons désirs, et parfois, ne serait-ce que de loin en loin, elles se recommandent à notre Seigneur, et considèrent qui elles sont sans toutefois s'y attarder. De temps en temps, pendant le mois, elles prient, pleines des mille affaires qui occupent ordinairement leurs pensées, et auxquelles elles sont si attachées que là où est leur trésor, là est leur cœur, Matthieu 6,21, elles songent parfois à s'en affranchir, et c'est déjà une grande chose pour elles que la connaissance d'elles-mêmes, constater qu'elles sont en mauvaise voie pour trouver la porte d'entrée. Enfin, elles pénètrent dans les premières pièces, celles du bas, mais toute la vermine qui entre avec elles ne leur permet ni de voir la beauté du château, ni de s'apaiser. Elles ont déjà beaucoup fait en entrant. Ce que je dis, mes filles, va vous sembler déplacé, puisque, par la bonté de Dieu, vous n'êtes pas de celles-là. Il va vous falloir de la patience, sinon je ne saurais faire entendre comment, j'ai compris certaines des choses intérieures de l'oraison, et encore plaise au Seigneur que j'arrive à parler de quelques-unes, car ce que je voudrais vous faire entendre est bien difficile, lorsque l'expérience fait défaut. Si vous avez cette expérience, vous verrez qu'on ne peut s'abstenir d'effleurer ce que plaise au Seigneur dans sa miséricorde, de vous épargner. Chapitre 2. De la laideur de l'âme en état de péché mortel, et comment Dieu voulut la faire voir à certaines personnes. De la connaissance de soi. Toute chose utile, souvent digne de remarque. De la manière de comprendre ses demeures. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous demander de considérer ce qu'on peut éprouver à la vue de ce château, si resplendissant et si beau, cette perle orientale, cet arbre de vie planté à même les eaux vives de la vie, qui est Dieu, lorsque l'âme tombe dans le péché mortel. Il n'est ténèbres si ténébreuses, chose si obscure et si noire qu'elle n'excède. Sachez seulement que bien que le soleil qui lui donnait tant d'éclat et de beauté soit encore au centre de cette âme, il semble n'y être point, elle ne participe point de lui, et pourtant elle est aussi capable de jouir de sa majesté que le cristal de faire resplendir le soleil. Elle ne bénéficie de rien, en conséquence, toutes les bonnes actions qu'elle accomplit ainsi, en état de péché mortel, ne portent aucun fruit qui mérite le ciel, elle ne procède pas du principe qui est Dieu, par qui notre vertu est vertu, rien ne peut donc être agréable à ses yeux, quand nous nous éloignons de lui. Enfin, le but de celui qui commet un péché mortel n'est pas de le satisfaire, mais de plaire au démon, comme il n'est que ténèbre, la pauvre âme, elle aussi, se transforme en ténèbre. Je connais une personne à qui notre Seigneur voulut montrer l'état de l'âme qui pêche mortellement. Cette personne, la sainte elle-même. Voir, Autobiographie, chapitre 40 et Relations, chapitre 25, dit qu'aucun de ceux qui le connaîtraient ne pourrait pécher, lui semble-t-il même s'il lui fallait fuir les occasions au prix des plus grands peines imaginables. Elle eut donc bien envie que tous en soient informés, vous, mes filles, ayez envie de beaucoup prier Dieu pour ceux qui sont réduits à cet état de totale obscurité, eux et leurs œuvres. Car de même que tous les ruisselets qui découlent d'une source très claire le sont aussi, lorsqu'une âme est en état de grâce, ses œuvres sont agréables aux yeux de Dieu et à ceux des hommes, elles procèdent de cette source de vie, l'âme y est plantée comme un arbre qui ne donnerait ni fraîcheur ni fruit, s'il ne lui venait de cette source qui le nourrit, l'empêche de sécher, et lui fait produire de bons fruits. Ainsi lorsque l'âme, par sa faute, s'éloigne de cette ressource pour se planter dans une autre eau très noire et très malodorante, tout ce qu'elle produit est l'infortune et la saleté même. Il s'y est de considérer ici que la fontaine, ce soleil resplendissant qui est au centre de l'âme, ne perd ni son éclat ni sa beauté, il est toujours en elle, rien ne peut lui ôter sa beauté. Mais si on jetait un drap très noir sur un cristal exposé au soleil, il est clair que si le soleil donne sur lui, sa clarté ne perdra point sur le cristal. Ô âme rachetée par le sang de Jésus-Christ! Connaissez-vous vous-même, et ayez pitié de vous. Comment se peut-il que, sachant cela, vous ne cherchiez pas à retirer cette poids de ce cristal? Considérez que si vous perdez la vie, jamais vous ne jouirez à nouveau de cette lumière. Ô Jésus, quel spectacle que celui d'une âme qui s'en est éloignée! Dans quel état sont les pauvres chambres du château? Que les sens, ces gens qui les habitent, sont troublés. Et les puissances, qui sont les alcades, majordomes, maîtres d'hôtels, qu'ils sont aveuglés, et gouvernent mal. Enfin, puisque l'arbre est planté en un lieu qu'il y a le démon, quel fruit peut-il donner? J'ai entendu une fois un homme, grand spirituel, dire qu'il ne s'étonnait de rien de ce que faisait une âme en état de péché mortel, mais de ce qu'elle ne faisait pas. Plaise à Dieu, dans sa miséricorde, de nous délivrer d'un si grand malheur, car rien, tant que nous vivons, ne mérite le nom de malheur si ce n'est celui qui entraîne des maux éternels, à jamais. Voilà, mes filles, ce que nous devons craindre, et ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières, s'il ne garde point la cite, nous travaillerons en vain, psaume 76,2, car nous sommes la vanité même. Cette personne disait qu'elle avait tiré deux choses de la grâce que le Seigneur lui a faite, l'une, l'immense crainte de l'offenser, elle le suppliait donc sans cesse de ne pas la laisser tomber dans le péché, dont elle voyait les terribles effets, la seconde, un miroir d'humilité, sachant que tout ce que nous pouvons faire de bon n'a pas son principe en nous, mais dans cette fontaine où est planté l'arbre de notre âme. Dans ce soleil qui rinque, off nos œuvres. Elle a vu cela si clairement que dès qu'elle faisait ou voyait faire quelque chose de bien, elle ramenait cette action à son principe, et comprenait que sans cette aide nous sommes impuissants. De là, elle était immédiatement portée à louer Dieu, et à s'oublier d'ordinaire elle-même, quoi qu'elle fît de bien. Le temps que vous passerez, mes sœurs, à lire ceci, et moi à l'écrire, ne serait pas perdu si nous retenions ces deux choses, que les hommes doctés entendus savent très bien, mais notre balourdise, à nous, femmes, a besoin de tout cela, et, d'aventure, le Seigneur veut peut-être qu'on porte à notre connaissance cette sorte de comparaison. Plaise à sa bonté de nous accorder la grâce nécessaire. Ces choses intérieures sont si obscures pour l'entendement que quelqu'un de si peu instruit que moi, devra forcément dire beaucoup de choses superflues, et même insensées, avant de parler juste une seule fois. Il faudra donc de la patience à quiconque me lira, comme il m'en faut pour écrire ce que j'ignore, car, vrai, il m'arrive de me sentir toute sotte en prenant le papier, je ne sens ni que dire, ni par quoi commencer. Je comprends bien qu'il est important pour vous, que j'explique de mon mieux certaines choses intérieures, car nous entendons toujours dire combien leur raison est bonne, et d'après la Constitution, nous devons la pratiquer pendant un grand nombre d'heures, mais on ne nous explique rien d'autre que ce qui nous est possible de faire de nous-mêmes, on nous parle peu des choses que le Seigneur opère dans l'âme, c'est-à-dire le surnaturel. Le fait d'en parler et de nous l'expliquer de nombreuses façons, nous apportera la grande consolation de contempler ce céleste artifice intérieur, si peu connu des mortels, que toutefois nombre d'entre eux recherchent. Et bien que dans quelques-uns de mes écrits, le Seigneur ait fait entendre certaines choses, je comprends que je ne les avais pas toutes comprises comme je le fais aujourd'hui, les plus difficiles, en particulier. L'ennui, c'est que pour les aborder, comme je l'ai dit, il faudra en répéter beaucoup de fort connus, il ne saurait en être autrement, vu la rudesse de mon esprit. Revenons donc à notre château aux nombreuses demeures. Vous ne devez pas vous représenter ces demeures l'une après l'autre, comme en enfilade, mais fixez votre regard au centre, là se situe la salle, le palais, où réside le roi, considérez le palmiste, avant qu'on atteigne sa partie comestible, plusieurs écorces entourent tout ce qu'il contient de savoureux. Ici, de même, de nombreuses salles sont autour de celle-là, et également au-dessus. Les choses de l'âme doivent toujours se considérer dans la plénitude, l'ampleur et la grandeur, on ne le dira jamais assez, elle est capable de beaucoup plus que ce que nous sommes capables de considérer, et le soleil qui est dans ce palais, se communique à toutes ses parties. Il est très important que toute âme qui s'adonne à l'oraison, peu prou, ne soit ni traquée, ni opprimée. Laissez-la évoluer dans ses demeures, du haut en bas et sur les côtés, puisque Dieu l'a douée d'une si grande dignité, qu'elle ne se contraigne point à rester longtemps seule dans une salle. Oh, s'il s'agit de la connaissance de soi! Car elle est si nécessaire, cherchez à me comprendre, même pour celles d'entre vous que le Seigneur a introduit dans la demeure où il se trouve lui-même, que jamais, malgré votre élévation, vous ne pouvez mieux faire, et vous ne le pourriez pas, même si vous le vouliez, car l'humilité travaille toujours à la façon dont l'abeille fait le miel dans la ruche, sinon tout est perdu, mais considérons que l'abeille ne manque pas de sortir pour rapporter des fleurs, ainsi fait l'âme, par la connaissance de soi, croyez-moi envolez-vous de temps en temps, pour considérer la grandeur et la majesté de Dieu. Ainsi, Débarrassé de la vermine qui entre dans les premières salles, celle de la connaissance de soi, vous verrez votre bassesse mieux qu'en vous-même, bien que, comme je l'ai dit, Dieu fasse à l'âme une grande miséricorde, lorsqu'il lui permet de se connaître, mais qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Et croyez-moi, avec la vertu de Dieu nous pratiquer, ont une vertu bien plus haute que si nous restons étroitement ligotés à notre terre. Je ne sais si je me suis bien fait comprendre, car cette connaissance de nous-mêmes est si importante que je voudrais, que jamais vous ne vous relâchiez sur ce point, même si vous êtes fort élevé dans le ciel. Tant que nous sommes sur cette terre, rien ne doit avoir plus d'importance pour nous que l'humidité. Je répète donc qu'il est très bon, et meilleur encore, de chercher à pénétrer d'abord dans la salle qui la concerne, plutôt que de s'envoler vers les autres. C'est le chemin pour y parvenir, et puisque nous pouvons marcher en terrain surréuni, pourquoi voudrions-nous des ailes pour voler? Cherchez à mieux progresser dans l'humilité, et, ce me semble, jamais nous n'arriverons à nous connaître, si nous ne cherchons pas à connaître Dieu, en contemplant sa grandeur penchons-nous sur notre bassesse, en contemplant sa pureté, nous verrons notre saleté, en considérant son humilité, nous verrons combien nous sommes loin d'être humbles. On y trouve deux avantages. Premièrement, il est clair que quelque chose de blanc paraît plus blanc auprès de quelque chose de noir, et, à l'opposé, le noir auprès du blanc. Deuxièmement, notre entendement et notre volonté s'ennoblissent, ils se disposent mieux à accomplir tout, ce qui est bien lorsque notre regard, donc nous-mêmes, nous tournons vers Dieu. Il a de grands inconvénients à ne jamais sortir de notre bouée, de notre misère. Nous parlions, à propos de ceux qui sont en état de péché mortel, des courants noirs et malodorants dans lesquels ils sont, de même, ici, sans qu'il y ait toutefois d'analogie, Dieu nous en garde. Car ceci n'est qu'une comparaison. Si nous vivons enfoncés dans les misères de notre terre, jamais nous ne sortirons du courant boueux des craintes, des pusillanimités, et de la lâcheté. Regardez si on me regarde, ou si on ne me regarde pas, me demandez s'il y a du danger à suivre cette voie, n'y aurait-il pas quelque orgueil à oser entreprendre cette action? Est-il bon qu'un misérable comme moi s'occupe d'une chose aussi haute que l'oraison? Me méprisera-t-on si je ne suis pas la voix de tout le monde? Et puis, les extrêmes ne sont pas bons, même dans la vertu, grande pécheresse que je suis, ne serait-ce tomber de plus haut? Je ne progresserai peut-être point, et je nuirai à de bonnes gens, quelqu'un comme moi n'a pas besoin de se singulariser. Dieu secourable! Mes filles, quelles sont nombreuses les âmes que le démon a dû beaucoup appauvrir par ce moyen! Elles prennent tout cela pour de l'humilité. Et bien des choses encore que je pourrais dire, cela provient de ce que nous ne nous connaissons pas tout à fait. La connaissance que nous avons de nous-mêmes est déviée, et si nous ne sortons jamais de nous-mêmes, je ne suis pas surprise que cela, et puis encore, soit à craindre. C'est pourquoi je dis, mes filles, que nous devons fixer nos regards sur le Christ, notre bien, là, nous apprendrons la véritable humilité, en lui et en ses saints. Notre entendement s'ennoblira comme je l'ai dit, et la connaissance de nous-mêmes, n'engendrera pas de l'âge voleur, car bien que ce ne soit encore que la première demeure, elle est très riche et d'un si grand prix, que celui qui échappe à la vermine qui s'y trouve ne manquera pas de progresser. Terribles sont les ruses et astuces du démon pour empêcher les âmes de se connaître et de discerner leur voie. De ces premières demeures, je puis vous donner un très bon signalement dont j'ai l'expérience. C'est pourquoi je vous demande de ne pas considérer un petit nombre de salles, mais un million, car les âmes entrent ici de bien des manières, animées, les unes et les autres, de bonnes intentions. Mais comme celles du démon sont toujours mauvaises, il doit maintenir dans chacune d'elles de larges légions de démons pour empêcher les âmes de passer d'une demeure à l'autre. La pauvre âme ne s'en rend pas compte, il use donc de mille sortes d'embûches et illusions, il n'est plus aussi à l'aise lorsque les âmes se rapprochent du roi. Mais, comme elles sont, ici, encore absorbées par le monde, plongées dans leurs plaisirs, grisées d'honneur et de prétention, les sens et les facultés, ces vassaux de l'âme que Dieu leur a donnés, ne sont pas assez forts, elles sont donc facilement vaincues, malgré leur désir de ne pas offenser Dieu, et les bonnes actions qu'elles font. Celles qui se trouvent dans cette situation devront, très souvent, et de leur mieux, avoir recours à Sa Majesté, demander à Sa Bienheureuse Mère, à Ses Saints, d'intercéder et de combattre pour elles, leurs propres serviteurs n'ont guère la force de les défendre. À la vérité, quel que soit notre état, il faut que la force nous vienne de Dieu. Plaise à Sa Majesté de nous en donner, dans Sa miséricorde. Amen. Quelle misérable vie nous vivons! Mais je vous ai beaucoup dit ailleurs combien, il nous est néfaste de ne pas bien comprendre, ce qui touche l'humilité et la connaissance de soi, autobiographie, chapitre 13, chemin de la perfection, chapitre 12 et 13, je n'insiste donc pas ici, et encore, plaise au Seigneur que j'ai dit quelque chose qui vous soit profitable. Vous remarquerez que la lumière qui émane du palais où est le roi, n'éclaire encore qu'à peine ses premières demeures, car bien qu'elle ne soit pas obscurcie et noire, comme c'est le cas pour l'âme en état de péché, elles sont assez sombres pour que celui qui s'y trouve ne puisse voir de clarté, ce n'est pas que la salle ne soit pas éclairée, je ne sais m'expliquer, mais toutes ces mauvaises couleuvres, ces vipères et ces choses venimeuses, qui sont entrées avec lui ne lui permettent pas d'apercevoir la lumière, comme celui qui, pénétrant en un lieu où le ciel entre abondamment, aurait, sur les yeux, de la boue qui l'empêcherait de les ouvrir. La pièce est claire, mais il n'en jouit pas, il est gêné, et des choses comme ces fauves et ces bêtes, l'obligent à fermer les yeux et à ne voir qu'elle. Telle me semble la situation d'une âme, qui, bien qu'elle ne soit pas en mauvais état, est si mêlée aux choses mondaines, si imbue de richesse, ou d'honneur, ou d'affaires, comme je l'ai dit, que bien qu'elle souhaiterait, en fait, voir sa beauté et en jouir, elle n'y a pas accès, et il ne semble pas qu'elle puisse se faufiler entre tant d'obstacles. Il est très utile, pour obtenir de pénétrer dans les secondes demeures, que chacun, selon son état, tâche de se dégager des choses et des affaires qui ne sont pas nécessaires. C'est d'une importance telle que j'estime impossible, qu'on n'accède jamais à la demeure principale sans commencer par là, il sera même difficile de rester sans danger dans celle où on se trouve, si on a pénétré dans le château, car au milieu de choses si venimeuses, il est impossible de n'être pas mordu. Qu'adviendrait-il, mes filles, si nous qui avons déjà pénétré beaucoup plus avant, dans d'autres demeures secrètes du château, nous nous retrouvions, par notre faute, en plein tumulte, ce qui, du fait de nos péchés, est le cas de beaucoup de personnes à qui Dieu a accordé ses faveurs et qui, par leur faute, sont rejetées au sein de ses misères. Ici, nous sommes libres extérieurement, intérieurement, plaise à Dieu que nous le soyons, et qui nous délivre. Gardez-vous, mes filles, des soucis qui vous sont étrangers. Considérez que rares sont les demeures de ce château où les démons renoncent à combattre. Il est vrai qu'en certaines demeures, les gardes, je crois avoir dit que ce sont les puissances, ont la force de lutter, mais il nous est bien nécessaire de ne point nous distraire pour comprendre leurs rusées qui ne nous trompent point, travestis en anges de lumière, car ils peuvent nous nuire de multiples façons, en s'insinuant peu à peu et nous ne le comprenons que lorsque le mal est fait. Je vous ai déjà dit, chemin de la perfection, chapitre 38 et 39, que le démon agit comme une lime sourde, nous devons le déceler dès le début. Je veux ajouter autre chose, pour me faire mieux comprendre, il insuffle à une sœur de si vif désir de pénitence, qu'elle n'a de repos que lorsqu'elle se tourmente. Le principe est bon. Mais lorsque la prieure a ordonné de ne pas faire pénitence sans autorisation, si le démon suggère à cette sœur qu'elle peut bien passer outre, à si bonne fin, elle mène en cachette une telle vie, qu'elle en perd la santé et se trouve empêchée d'accomplir ce qu'ordonne la règle, vous voyez où aboutit ce bien. Il en anime une autre d'un très grand zèle pour la perfection, c'est très bon, mais il peut découler de là que la moindre petite faute de la part de ses sœurs lui semble un grave manquement, il s'ensuit la préoccupation de les surveiller, et d'en appeler à la prière. Elle peut même en venir à ne pas voir ses propres fautes, tant elle a de zèle pour l'ordre. Quant aux autres, elles ne comprennent pas ce qui se passe en son fort intérieur, et il peut arriver qu'elle ne s'accommode pas, si bien que cela de sa vigilance. Ce que recherche ici le démon, ce n'est rien de moins que refroidir la charité et l'amour des sœurs les unes pour les autres, ce qui serait fort dommage. Comprenons, mes filles, que la véritable perfection, est dans l'amour de Dieu et du prochain, plus nous observerons ces deux commandements, plus parfaites nous serons. Toute notre règle et nos constitutions ne tendent à rien d'autre, elles ne font que nous donner le moyen de mieux les observer. Trêve de zèles indiscrets qui peuvent nous faire grand mal. Que chacune se considère elle-même. Je vous ai déjà longuement parlé de cela, je n'insisterai donc pas. Autobiographie, chapitre 13 et manière de visiter. Cet amour que vous devez avoir les unes pour les autres, est si important que je voudrais que vous ne l'oubliez jamais, car à force de considérer chez les autres de petits riens, qui d'ailleurs ne sont peut-être pas des imperfections, mais que, dans notre ignorance, nous prenons en mauvaise part, notre âme peut perdre la paix, et même inquiéter celle des autres, considérer que cette perfection la coûte très cher. Le démon pourrait aussi éveiller cette tentation chez la prieure, ce serait plus dangereux. C'est pourquoi une grande prudence est nécessaire, car lorsqu'il s'agit de choses contraires à la règle et aux constitutions, il ne faut pas toujours les prendre en bonne part, mais l'avertir, et si elle ne s'amende point, en appeler au supérieur, voilà la charité. De même vis-à-vis des sœurs, s'il s'agit d'une chose grave, la vraie tentation serait de tout laisser faire, de peur que ce soit une tentation. Il faut prendre bien garde, pour que le démon ne nous abuse point, de ne point parler de cela entre nous. Il pourrait en tirer un grand avantage, et introduire l'habitude de la médisance, mais uniquement à celle qui agira utilement, comme je l'ai dit. Cela ne nous concerne guère puisqu'ici, grâce à Dieu, nous observons un silence continuel, mais il est bon que nous soyons sur nos gardes.